La Luthière des Chapeaux par Honoré de Balzac. Mais arrive donc, mon cher, voilà deux cigares que j'attends, et ma foi, j'allais partir. Sans moi, eh bien, c'eût été gentil. Et se donnant le bras, ils sortirent du passage de l'opéra. Ces deux jeunes gens, en tenue complète de soirée, représentaient deux apprentis grands hommes. L'un en était à son premier vaudeville reçu, l'autre à son troisième tableau refusé. Ah ça, pourrais-tu m'édifier sur la cause qui t'empêchait de venir à l'heure convenue ? Demanda bientôt le poète avec cette aigreur particulière à tout homme qui arrive le premier à un rendez-vous. « Regarde et devine !» répondit l'accusé en baissant la tête d'un air sombre. « Je te trouve superbe, voilà tout !»« Et ça ?» fit le peintre en posant un doigt sculptural sur sa coiffure parfaitement brossée, mais dont le ruban, d'une largeur inusitée, ne parvenait pas à dissimuler cet ignoble lustre onctueux qui est au chapeau ce que les chevrons sont aux soldats. « Oui, mon cher Maurice !» continua-t-il en improvisant un mezzo voce sur l'air. Les coucous sont gras, cette élégie célèbre dans tous les ateliers. Les chapeaux sont gras parce qu'on n'en a guère. Les chapeaux sont gras parce qu'on n'en a pas. Tu me présentes ce soir chez un puissant de la terre, n'est-ce pas? Eh bien, malheureux, c'était dans l'espoir de remplacer cet infâme gobelet. C'était pour te faire honneur, enfin, que j'ai couru bainement pendant que tu m'attendais. Maintenant, blâme-moi si tu l'oses. Voilà ce que c'est que de n'avoir pas de fournisseur en titre, insinua Maurice en se rengorgeant d'une façon raisonnablement blessante pour son ami. « Mon cher, répliqua celui-ci un peu vertement, ton objection pêche autant par la base que mon costume par le sommet. C'est précisément pour avoir eu trop de chapeliers en titre que je ne peux plus avoir de chapeau. » « Alors, mon bon Léon, reprit le vaudevilliste, ton malheur n'est que de la maladresse, et je ne te plains pas. Ah, s'il s'agissait d'un bonnetier, je ne dis pas. On n'a pas encore trouvé d'amorce pour cette espèce. Et les plus grands génies se sont brisés contre cette puissance d'inertie. Mais le chapelier, c'est l'épitomé de la petite dette. Artiste, il ne demande qu'une chose, être compris, c'est-à-dire flatté. Je vais à l'instant même te conduire chez le mien. Écoute et étudie, car je veux te donner à la fois une leçon et un chapeau. Je vais poser pour toi. Seulement sois sérieux, comme le roi sur une pièce de 100 sous. Aujourd'hui, mon cher, tout le monde veut se couvrir de gloire et beaucoup se couvrent de ridicule. De là des caricatures entièrement neuves. Quand tout le monde aura de la gloire, comment pourra-t-on se distinguer ? Demanda le peintre. La gloire, ce sera d'être un sot, répondit le poète. Tu seras décoré, je serai bien vêtu, c'est moi qu'on regardera. Sur cette observation qui vous explique pourquoi les orateurs et autres grands hommes politiques ne mettent plus rien à la boutonnière de leur habit à Paris, nous vîmes briller en lettres d'or le nom illustre de Vital, successeur de Finot, fabricant de chapeaux, et non pas chapelier comme autrefois, dont les réclames rapportent aux courtiers autant d'argent que celles de 3 vendeurs de pilules ou de pralines, et de plus, auteur d'un petit écrit sur le chapeau. « Mon cher, » dit Maurice en montrant une devanture splendide, « Vital a 40 000 francs de rente, et il reste chapelier, » s'écria l'artiste en cassant le bras de son ami par un soubresaut violent. « Tu vas voir l'homme, » répondit le poète. « Tu as besoin d'un chapeau, tu vas en avoir un gratis. » Maurice, en entrant, « Monsieur Vital n'y est pas ?» Un premier commis. « Monsieur corrige ses épreuves dans son cabinet. » Maurice, à son ami. « Hein ?» Au premier commis. « Pouvons-nous lui parler sans nuire à ses aspirations ?»« Laissez entrer ces messieurs, » dit une voix bourgeoise, la voix d'un éligible, une voix puissante et bien rentrée. Et Vital daigna se montrer lui-même, vêtu tout en drap noir, décoré d'une magnifique chemise à jabot ornée d'un diamant. Ils aperçurent une jeune et jolie femme assise au bureau, travaillant à une broderie. Vital est un homme de 30 à 40 ans, d'une jovialité primitive, rentré sous la pression de ses idées ambitieuses. Il jouit de cette moyenne taille privilégiée des belles organisations. Assez gras, il est soigneux de sa personne. Son front se dégarnit, mais il aide à cette calvitie pour se donner l'air d'un homme à haute pensée. On voit la manière dont le regarde et l'écoute sa femme, qu'elle croit au génie et à l'illustration de son mari. Vital aime les artistes, non qu'il sente les arts, mais par confraternité, car il se croit un artiste et le fait pressentir en se défendant de ce titre de noblesse, en se mettant, avec une constante préméditation, à une distance énorme des arts pour qu'on lui dise « Mais vous avez élevé le chapeau jusqu'à la hauteur d'une science. »« M'avez-vous trouvé mon chapeau ?» lui dit Maurice. « Comment, monsieur, en 15 jours ?» répondit Vital. « Et pour vous ?»«

Tenez, je le dis à ma femme, pour réussir, je donnerai ma fortune. Oui, je suis plus patriote que chapelier. Toute mon ambition est de régénérer la chose et disparaître. » Et les deux jeunes fous riaient encore en se faisant annoncer dans le salon où, grâce au génie de Maurice, ils purent figurer très honorablement. Ainsi s'achève Le Lutteur des Chapeaux par Honoré de Balzac.